serre le cœur, rien qu'à l'idée que le temps passé nous a dépassés. Se serre le cœur, rien qu'à l'idée que le temps passé nous a dépassés. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse. Le cœur, rien que de penser que je me suis lassé de nous entrelacer. Une pointe dans le cœur, rien que de penser que je me suis lassé de nous entrelacer. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse. Dans le cœur à collectionner et qui se glace dans l'oubli, hélas. Des souvenirs dans le cœur à collectionner et qui se glace dans l'oubli, hélas. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse. Et que quoi que tu fasses, il faut que tout se défasse.